Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les Américains ont-ils acquis la conviction que l'URSS de Staline voulait satelliser la Turquie pour étendre son influence au Moyen-Orient ? Comment la renaissance du grand jeu d'avant 1914 et de la question d'Orient par les Russes devient-elle un affrontement de deux modes de vie et de deux économies qui vont s'étendre du Proche-Orient à l'ensemble du monde, s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment la guerre froide, affrontement mondialisé entre les États-Unis et l'URSS, a-t-elle pu naître de la crise turque ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, poursuit cette semaine encore son analyse de l'hégémonie britannique entre 1926 et 1956 dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Nous voici à la fin de la guerre, où alliés britanniques et américains se trouvent face à la stratégie de Staline en Europe et au Moyen-Orient. La crise iranienne de 1945 permet aux Américains, comme va l'expliquer Henri Laurence, de faire l'analogie entre ce qui se passe en Iran et ce qui se déroule en Europe de l'Est. Un grignotage continu des pouvoirs locaux pour arriver à une domination complète, appelée ensuite en Hongrie la tactique du salami. Désormais, les Américains craignent de voir les Soviétiques arriver jusqu'aux rives du Golfe et d'en menacer les immenses richesses pétrolières. Avec la crise turque, on change d'époque et de dimension durablement. Henri Laurence cite une dépêche américaine d'octobre 1945, en partie rédigée par George Kennan. Je le cite. « Les buts de la politique soviétique au Moyen-Orient visent la sécurité et l'agrandissement territorial et sont au confluent de la tradition étatique russe et de l'idéologie communiste. Il en est ainsi de la Turquie qui constitue une vulnérabilité dans le dispositif de défense et la clé d'accès à la Méditerranée. Comme il n'existe pas d'opposition de gauche en Turquie, Moscou va jouer sur l'irrédentisme arménien et l'autonomisme kurde. Ce dernier peut être aussi utilisé en Irak et en Iran. L'action est multiforme. On vendra le stalinisme aux juifs du Moyen-Orient, l'unité orthodoxe aux chrétiens, le tribalisme en Afghanistan. Aujourd'hui, à côté de la figure singulière du président Truman, l'historien fait ressortir de son récit deux grands stratèges américains, George Kennan, qui va définir l'endiguement de la progression soviétique et la compétition mondiale entre le modèle américain et le modèle soviétique, base de la guerre froide, et le général Marshall, homme clé de la victoire américaine en Europe, qui va permettre, grâce à son plan, de jeter les bases de tout le système économique occidental d'après-guerre. Alors, suite aux crises iraniennes et turques, comment la présence navale américaine va-t-elle devenir permanente en Méditerranée ? Comment l'arme économique dans le contexte naissant de la guerre froide, l'expression « guerre froide » est consacrée par la presse à la fin de 1946, devient-elle la toute première arme des Américains face aux ambitions soviétiques ? Et nous gagnons le Collège de France le 19 décembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 ». Aujourd'hui, la crise turque et les débuts de la guerre froide. Donc, je vous avais laissé dans la crise iranienne de 1945 l'occupation conjointe anglo-soviétique de l'Iran était conditionnée à la poursuite de la guerre. Et donc, le 18 mai 1945, après le V-Day en Europe, le jour de la victoire en Europe, l'Iran demande l'évacuation des troupes étrangères. Mais Moscou et Londres répondent qu'il faut attendre la fin de la guerre avec le Japon. Donc ça renvoie à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, ce qui amène logiquement sur un délai de 6 mois pour l'évacuation des troupes étrangères au 2 mars 1946. Le jeu des Anglo-Saxons est d'évacuer le plus vite possible l'Iran pour forcer les Soviétiques à en faire de même, tandis que les Soviétiques, eux, recherchent une intégration économique entre les deux Azerbaïdjans et soutiennent maintenant ouvertement le mouvement séparatiste. Le Tudeh se pose comme iranien et hostile au séparatisme. Mais les séparatistes soutenus par les forces d'occupation rejettent la lutte des classes et s'ouvrent à toutes les composantes de la société au nom de l'autonomie nationale. Donc il y a une vision un peu contradictoire des choses. Le grand parti de gauche pro-communiste est contre le séparatisme des zones d'occupation soviétique, tandis que les autonomistes des zones d'occupation soviétique, eux, jouent l'unité des classes et non pas la lutte des classes, puisque l'enjeu est national et pas social. En réalité, les séparatistes ne recrutent que dans une faible part de la population. Les Azéris, même s'ils ont souffert à l'instar des autres Iraniens, sous le règne de Reza Shah, se montrent toujours très fidèles à l'identité iranienne. Leur appartenance chiite limite tout attrait vers les autres populations de langue turcique. À l'automne, les Soviétiques commencent à armer des milices séparatistes, les fedayeens. Il en est de même dans les régions kurdes où les nationalistes sont aussi soutenus par les Soviétiques. Les autonomistes azéris kurdes s'appuient sur des griefs réel quant à la mauvaise gestion du pouvoir central qui depuis longtemps n'accorde pas une aide économique proportionnelle à l'importance de la population. Les revendications culturelles sont particulièrement fondées à la suite des politiques d'iranisation de Reza Shah. Ces séparatismes soutenus de l'extérieur suscitent un puissant mouvement national iranien qui s'inquiète du risque de dissolution des pays si les Arabes et les Arméniens se joignent au mouvement. Parce qu'il y a évidemment les populations arabes du Rosistan, l'ancien Arabistan, donc dans la région du Châtel arabe, et il y a encore une population importante arménienne en Iran à cette époque-là. Or, pour raisons qu'on verra tout à l'heure, éventuellement ou la fois prochaine, fait que les Arméniens apparaissent comme des agents de la politique soviétique en 1945-1946. Les nationalistes kurdes proclame une république du Kurdistan dont la capitale est Mahabad, c'est la fameuse république de Mahabad, et puis les autonomistes azéris annoncent la création de la république autonome d'Azerbaïdjan. Alors je me lame pour Mahabad parce que ça faisait partie du catéchisme de gauche socialiste moyen-oriental de lire les textes glorieux sur la république de Mahabad quand j'étais un jeune étudiant. Ça faisait partie du curriculum. Mais on se maintient à une république autonome, donc on veut rester pour l'Azerbaïdjan en Iran, ce qui n'est pas le cas pour les Kurdes qui veulent une indépendance. Les États-Unis réagissent à la situation en demandant le rétablissement de l'autorité du pouvoir central sur l'ensemble des pays et annoncent le retrait des troupes américaines pour le 1er janvier 1946 pour forcer les autres à faire de même. Les Soviétiques répondent que la sécurité de l'Azerbaïdjan soviétique passe par le maintien de leurs troupes en Iran et qu'ils sont là pour faire régner l'ordre que risquerait de troubler une intervention du pouvoir central iranien. L'ONU est née officiellement le 24 octobre 1945 quand les 5 grands et la majorité des autres ont déposé leur ratification. La première assemblée générale se tient à Londres en janvier 1946. Le 19 janvier, le représentant iranien saisit la toute jeune organisation de la demande de son pays d'une évacuation immédiate des troupes étrangères. Les Soviétiques multiplient les manœuvres dilatoires faisant référence au maintien des troupes françaises et britanniques en Syrie et des troupes hollandaises en Indonésie. À la fin mars, ils évoquent un accord imminent avec le gouvernement iranien et demandent un délai supplémentaire. Comme les autres membres du Conseil de sécurité s'y opposent, il en ressort la première crise majeure de l'institution. Finalement, les Américains vont jouer sur l'ordre du jour en maintenant sur l'ordre du jour du Conseil de sécurité le dossier iranien, mais sans aller jusqu'à l'évoquer devant le Conseil de sécurité. C'est donc maintenir le sujet sans vouloir l'aborder non plus. Subtilité diplomatique. Les Américains font l'analogie entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Europe de l'Est en 1946, un grignotage continu des pouvoirs locaux pour arriver à une domination complète, ce qu'on appellera ensuite en Hongrie la tactique du salami. On coupe par morceaux successifs pour s'emparer de l'ensemble. La fermeté nouvelle se fonde sur la crainte de voir les Soviétiques arriver jusqu'aux rives du Golfe et d'en menacer les immenses richesses pétrolières. En jouant sur l'ONU, les Américains se posent comme les vrais anti-impérialistes qui rejettent la politique des zones d'influence chères aux Russes et aux Britanniques. Il est vrai que Londres semble prêt à s'accommoder d'un partage de l'Iran qui lui laisserait le contrôle des régions du Sud, là où se trouvent les concessions pétrolières de l'Anglo-Iranian Oil Company. Les Britanniques ont ainsi un moment poussé à une décentralisation qui aurait permis de contenter aussi bien les Russes qu'eux-mêmes. Les Américains se trouvent pris entre une volonté de rejeter la vieille politique de Londres et le risque de voir la position de leur allié principal continuer à s'affaiblir, ce qui pourrait conduire les États-Unis à s'impliquer de plus en plus dans la région, ce qui n'est pas le but souhaité. Dans l'immédiat, l'aide américaine porte surtout sur le renforcement de l'armée iranienne, domaine réservé du Shah. Les Iraniens s'inquiètent de voir leur pays redevenir un champ d'affrontement entre les grandes puissances. Qawama Saltaneh apparaît comme la seule personnalité indépendante acceptable pour les Soviétiques. Il réussit à réunir une étroite majorité au Parlement et obtenir une trêve avec le Shah. Il part en mars 1946 en Union soviétique pour entamer les négociations. Il se présente en homme fort mais réaliste. Tacticien, il est capable de renverser ses alliances politiques d'un moment à l'autre. Il arrive ainsi en avril à un accord avec les Soviétiques qui s'engagent à évacuer le pays en mai. En contrepartie, l'Iran retirera sa plainte à l'ONU, trouvera un règlement pacifique avec les autonomistes et la proposition de concession pétrolière sera soumise au prochain Parlement élu. Les concessions sont liées aux élections à venir en Iran. Le règlement permet à tout le monde de sauver la face, en dehors de l'incontestable habileté du premier ministre iranien. Le fait que l'Union soviétique se soit trouvée exposée à une plainte devant la tout jeune ONU a beaucoup joué. Face aux Tudés qui maintient une forte agitation sociale dans le sud du pays et aux autonomistes, Qawam se pose en réformiste. Comme les Soviétiques tiennent avant tout aux élections à venir pour avoir la concession, ils cessent de soutenir leurs alliés dans le pays. Qawam peut ainsi proposer une grande autonomie à l'Azerbaïdjan en juin 1946. Après avoir gouverné un temps avec des ministres Tudeh, il renverse ses alliances à l'automne 1946 et renvoie les ministres communistes. Il utilise le prétexte de la liberté de vote pour établir l'autorité du pouvoir central sur les provinces récalcitrantes. En décembre 1946, les autonomistes azéris sont éliminés de leur position de pouvoir. Les difficultés économiques de la région, accrues par l'instabilité politique, les ont rendus impopulaires. Dans la foulée, Mahamad est repris par l'armée iranienne. Et c'est la fin de la première tentative d'indépendance kurde. Au début de 1947, Qawam dispose du soutien de la droite et des Américains et d'une majorité au Parlement, mais le Shah a considérablement renforcé ses positions grâce à la montée en puissance de l'armée. Le 22 octobre 1947, le Parlement rejette le projet d'accord pétrolier par 102 voix contre 2. Déconsidéré, Qawam démissionne en décembre et s'exile en Suisse. Quant aux Soviétiques, ils apprécient peu la démocratie puisque les concessions ont été rejetées par l'Assemblée iranienne. S'il a réussi à maintenir l'indépendance et l'intégrité de son pays, ce qui constitue un acquis majeur, Qawam, en s'appuyant alternativement sur la gauche puis la droite, sur les Soviétiques puis sur les Américains, n'a pas réussi à constituer une force démocratique stable, laissant le jeu ouvert à l'instabilité des factions politiques et à un retour à l'autocratie impériale. Pour les Américains, sa capacité à renverser les alliances politiques ne fait pas de lui un partenaire fiable, contrairement au Shah, qui proclame son antisoviétisme et son admiration pour les États-Unis. Il sait où se trouve le bien et où se trouve le mal, contrairement à ses politiciens nationalistes, toujours prêts à se servir de l'un pour combattre l'autre. Quant aux Britanniques, ils auraient pu se satisfaire d'une concession accordée aux Soviétiques dans le Nord, qui aurait paradoxalement renforcé leur position dans le Sud. La fermeté démontrée par la classe politique iranienne est pour eux un très mauvais signe. Alors passons maintenant à l'autre crise, qui est la crise turque. Car vous allez commencer à comprendre qu'en réalité, la guerre froide va commencer par une renaissance du grand jeu et de la question d'Orient. La question donc de ses origines de la guerre froide, si on estime que le conflit était évitable, passe par l'interprétation des événements des premiers mois qui suivent la capitulation allemande et la fin de la coopération militaire à la suite de la capitulation japonaise. Toute discussion doit prendre en compte l'état des forces militaires. Avec la fin des hostilités, les États-Unis réduisent considérablement leurs engagements, en particulier en Europe. Ils seront rapidement en situation de manque d'effectifs par rapport à la multiplication des besoins un peu partout dans le monde. En revanche, l'Union soviétique, terriblement meurtrie par la guerre, s'engage dans une restructuration politique et ethnique de toute l'Europe de l'Est, de la Baltique à la mer Noire, au prix de centaines de milliers de nouvelles victimes dans ces transferts de population et dans les famines qui les accompagnent. Les massacres européens ne s'arrêtent pas le 8 mai 45, il y a encore des centaines de milliers de morts en Europe centrale et orientale dans 45 et 46 après la fin des combats à cause des manœuvres staliniennes, des famines, des transferts de population et ainsi de suite. Si la Pologne a été depuis 41 un enjeu politique majeur entre l'Union soviétique et les puissances occidentales, ce sont toutes les régions occupées par l'armée rouge qui deviennent à la fois le glacis de protection de l'Union soviétique et le lieu de constitution d'États alliés en voie d'être socialisés. Au départ, Staline ne veut que l'établissement de zones tampons destinées à protéger l'Union soviétique d'une nouvelle agression allemande. Dans le climat de la fin du conflit mondial, les communistes constituent une force politique essentielle, voire hégémonique, et l'aspiration vers une socialisation d'économie indispensable pour la reconstruction de l'économie. Les régions tenues par l'armée rouge ne font qu'accentuer ce trait présent en Europe de l'Ouest. Rapidement, les partis communistes ne peuvent accepter une situation de pluralisme politique qui pourrait conduire à une alternance au pouvoir. Les forces politiques non communistes sont ainsi progressivement éliminées dans la cadre de stratégie dite du salami. Au mieux, elles peuvent se trouver satellisées au sein d'un front. En quelque sorte, l'Union soviétique se constitue une sorte de cordon sanitaire inversé par rapport à celui des années 1920, où les puissances occidentales avaient mis un cordon sanitaire autour de la jeune Union soviétique. Dans la mesure où la Grèce ne se trouvait pas comprise dans le cordon sanitaire faute de présence de l'armée rouge, les soviétiques se tiennent plus en position de spectateurs que d'acteurs dans la guerre civile entre royalistes et communistes. Ces derniers reçoivent bien un soutien de la Yougoslavie de Tito, mais c'est dans la marge de manœuvre dont dispose ce dernier par rapport à Moscou. Pour les Occidentaux qui peuvent comprendre les soucis de sécurité de Moscou, cette mainmise est contraire aux engagements pris à partir de la Charte de l'Atlantique, qui pour Churchill ne concernait que l'Europe et certainement pas l'Empire britannique. À la surprise générale, donc, l'Union soviétique a rouvert le grand jeu d'avant 1914 en Iran, et dans la foulée, la question d'Orient. En faisant cela, elle compromet la sage politique des traités d'amitié qui avait assuré la sécurité de ses frontières sud de la Turquie et l'Afghanistan au début des années 1920. Elle poursuit la politique entamée lors du pacte germano-soviétique de récupération des territoires perdus par l'Empire russe durant la Grande Guerre et de reprise des objectifs territoriaux du tsarisme. En Extrême-Orient, la victoire sur le Japon lui a permis d'obtenir la totalité des îles Kourines et la Sakhaline. Dans la mesure où la guerre froide va plus ou moins figer les positions militaires acquises en Europe en mai 1945 et que les rapports de force interdisent de les modifier, le conflit en gestation ne peut dans un premier moment se manifester que dans la réapparition simultanée de grands jeux en dépit de l'indépendance de l'Inde en 1947 et de la question d'Orient. Durant les conférences interalliées de la guerre, les soviétiques ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de remettre en cause la convention de Montreux 1936 qui a permis à la Turquie de militariser les détroits et a fixé les conditions de passage des navires de guerre. Les anglo-américains en ont accepté le principe, n'envisageant qu'une convention analogue à celle de Constantinople sur le canal de Suez, autorisant le libre passage des navires de guerre. Staline a souligné qu'il n'était pas possible de laisser la Turquie décider du passage des détroits, comme de même il n'est pas possible de laisser l'Égypte décider pour le canal de Suez et Panama pour le canal de Panama. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation de la mer Égée par les forces de l'Axe a effectivement rendu sans intérêt pour les Alliés le passage par les détroits. La présence des forces germano-italiennes de Rhodes à la Bulgarie suffisait à dissuader la Turquie, dont l'armée était très déficiente du point de vue de l'équipement, à vouloir sortir de sa neutralité que le pacte germano-soviétique lui avait imposé. D'où le fait que, durant la guerre, la Turquie avait maintenu une neutralité précaire. Il était évident qu'elle était très vulnérable à une attaque allemande, alors qu'à l'est, les Soviétiques et les Britanniques avaient occupé l'Iran et qu'au sud, ces derniers contrôlaient la Syrie et l'Irak. La stratégie suivie avait été de coopérer avec les Britanniques, mais sans aller jusqu'à la guerre. L'inquiétude grandissante venait de l'Union soviétique, qui, du fait de sa victoire, allait inexorablement s'emparer des Balkans, à partir du moment où les Anglo-Américains donneraient la priorité à un débarquement à l'ouest de l'Europe sur une opération en Méditerranée. Le paradoxe était que si l'Union soviétique condamnait la neutralité turque, elle lui permettait d'arriver jusqu'aux Balkans, alors qu'une entrée en guerre de la Turquie aurait permis une nouvelle opération de Salonique qui aurait limité la progression soviétique. C'était d'ailleurs le projet privilégié de Churchill. Durant le second semestre 1944, les pressions alliées sur la Turquie se sont accrues, la forçant à mettre fin à toute coopération avec l'Allemagne. Le 8 septembre 1944, la Bulgarie a renversé ses alliances et s'est trouvée occupée par l'armée rouge. La possibilité de voir l'Union soviétique favoriser l'accès de la Bulgarie à la Méditerranée au détriment de la Turquie inquiète le gouvernement d'Ankara. La Bulgarie s'est brusquement rappelée qu'elle était slave et que la Russie était son protecteur naturel. Faut dire à l'exception des deux guerres balkaniques et des deux guerres mondiales, mais c'est pas grave. Au début de 1945, Tito propose une fédération balkanique dont la Bulgarie et la Yougoslavie seraient les éléments fondateurs. Dans cette période, Staline évoque régulièrement la solidarité des peuples slaves contre la menace allemande et va même jusqu'à évoquer un panslavisme bolchevique, finalement peu différent de celui de l'Empire tsariste. C'est absolument extraordinaire comment le Staline de la Seconde Guerre mondiale et du premier après-guerre reprend tout le vocabulaire du tsarisme, y compris le panslavisme, les zones d'influence, etc. La Turquie, à la demande des alliés, rompt les relations diplomatiques avec le Japon en décembre 1944, ce qui fait perdre au Japon sa seule source d'information sur l'évolution de la situation en Europe. Elle permet le libre passage par les détroits de l'aide à l'Union soviétique maintenant que la mer Égée a été libérée de la présence allemande. Durant la période de la guerre, les Américains n'ont pas de politique définie pour la Méditerranée orientale. Leur principale préoccupation a été de détourner Churchill de ses projets d'intervention militaire balkanique. Cela à qui il le laisse agir afin de maintenir la Méditerranée hors de portée des Soviétiques. À Yalta, Staline utilise le curieux argument que la convention de Montreux est caduque du fait que le Japon qui en est signataire ne compte plus et que la SDN qui en sert de cadre n'existe plus. Juridiquement, la SDN existe toujours et ne sera liquidée qu'en 1946 pour transférer ses biens et ses missions à l'ONU. Il est décidé de laisser la révision de la Convention à une réunion des ministres des Affaires étrangères. À la demande des Britanniques, il est accepté que la Turquie soit admise à l'ONU à condition qu'elle déclare la guerre à l'Allemagne d'ici février 1945, ce qu'elle fait le 23 février. Le remplacement de Roosevelt par Truman, un politicien dont la carrière était surtout provinciale mais qui a beaucoup lu, se traduit par une importance accrue du département d'État dans la prise de décision, le président exigeant d'être informé et d'être obéi. Au début 1944, le ministère a été réorganisé avec, entre autres, la création de directions géographiques. Il a été ainsi établi un Office for of Near Eastern and African Affairs, NEA, Bureau des Affaires Proche-Orientales et Africaines. Donc c'est curieux parce qu'ils utilisent le mot Proche-Orient alors que le mot Moyen-Orient est en train de balayer Proche-Orient dans les appellations courantes. Donc ce bureau est composé de diplomates ayant une bonne pratique du Proche-Orient et qui ont un accès plus rapide aux instances supérieures. Durant les années qui suivent, les secrétaires d'État sont la plupart du temps en train de négocier à l'extérieur, ce qui fait que les sous-secrétaires d'État sont les gestionnaires réels du ministère avec la précieuse mission d'informer la Maison-Blanche. La fin de la guerre avec le Japon redonne au Congrès un point important dans la prise de décision. Dans le second semestre 1945, la mainmise russe sur la Pologne et le reste de l'Europe centrale est perçue comme la volonté d'expansion au-delà des limites de l'Europe, l'Iran en étant la démonstration. C'est aussi le cas de la Turquie. Le 19 mars 1945, l'Union soviétique dénonce le traité d'amitié et de neutralité conclu avec la Turquie en 1925. Dans les semaines qui suivent, les Soviétiques lancent une campagne de presse contre la Turquie. Ces actions sont jugées comme des pressions destinées ensuite à ouvrir des discussions sur la Convention de Montreux. Le 7 juin, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, fait connaître les exigences de son pays. Le retour à l'Union soviétique des districts de Kars et Ardahan, que l'Empire ottoman avait perdu en 1878 et repris en 1921. L'établissement de bases militaires soviétiques dans le détroit et la révision de la Convention de Montreux. Les historiens se sont interrogés pour savoir s'il n'y avait pas là une politique caucasienne menée par les deux Géorgiens que sont Staline et Beria, concernant tout aussi bien l'Iran que la Turquie. L'explication la plus habituellement donnée par les contemporains est de voir se produire à la frontière sud de l'Union soviétique la même opération qu'en Europe orientale. Un remaniement territorial et la constitution d'une zone de pays amis et alliés par leur structure économique et politique. L'expansion soviétique ne se définit pas par l'anti-impérialisme, mais par la nécessité d'assurer la sécurité de l'Union soviétique, ce qui consiste à reprendre sur toutes les frontières la politique expansionniste des tsars. Mais des documents récemment libérés en Russie ont montré aussi l'importance du dossier arménien, puisqu'en fait, le projet soviétique en 1946, c'était en récupérant les districts de Kars et Ardahan de les repeupler d'Arméniens que l'on ferait venir d'Europe de l'Ouest. D'où le fait que dans cette période, l'Union soviétique demande à la diaspora arménienne de revenir en République d'Arménie. Et il y aura plusieurs milliers de malheureux qui seront là et qui en fait se trouveront enfermés dans la Russie stalinienne. Et pendant des décennies, ils espéreront ensuite, de façon désespérée, de revenir à l'Ouest en arguant de leur nationalité française, belge et autres. Mais le motif premier qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'était de repeupler d'Arméniens les districts que la Turquie devrait céder à l'Union soviétique. Donc il y a bien une politique caucasienne à côté de la politique générale de l'Union soviétique. Alors, le refus est immédiat, sauf sur la révision de la Convention. À Potsdam, Eden se pose en défenseur de la Turquie, tandis que la stratégie de Molotov est de faire de ce dossier une affaire purement bilatérale. Truman s'en tient à une position de défense de la liberté des mers et du libre passage des voies internationales, ce qui comprend le Rhin et le Danube, ce dernier fleuve se trouvant maintenant largement dans la zone contrôlée par les Soviétiques. À l'automne 1945, les Anglo-Américains acceptent le principe de la révision de la Convention, mais dans le sens d'une démilitarisation. Pour faire pression, les Soviétiques multiplient les concentrations de troupes à la frontière et encouragent les revendications irrédentistes des républiques soviétiques de Géorgie et d'Arménie, qui sont évidemment des manifestations purement spontanées de ces républiques, comme vous pouvez le comprendre. Et la presse s'en prend constamment à la Turquie. Progressivement, les décideurs américains acquièrent la conviction que Moscou veut satelliser la Turquie pour pouvoir étendre son influence à l'ensemble du Proche et Moyen-Orient. Pour Avril Harriman, l'ambassadeur américain à Moscou, dans une dépêche du 23 octobre 1945, largement rédigée par son adjoint George Kennan, les buts de la politique soviétique au Moyen-Orient visent la sécurité et l'agrandissement territorial et sont au confluent de la tradition étatique russe et de l'idéologie communiste. Il en est ainsi de la Turquie qui constitue une vulnérabilité dans le dispositif de défense et la clé d'accès à la Méditerranée. Comme il n'existe pas d'opposition de gauche en Turquie, Moscou va jouer sur l'irrédentisme arménien et l'autonomisme kurde. Ce dernier peut être aussi utilisé en Irak et en Iran. L'action est multiforme, dit le Télégramme. On vendra le stalinisme aux juifs du Moyen-Orient, l'unité orthodoxe chrétienne, le tribalisme en Afghanistan. Cette vision se trouve renforcée un peu plus tard quand les Américains découvrent dans les archives allemandes le contenu des discussions germano-soviétiques de 1940 dans lesquelles les soviétiques revendiquaient la reconnaissance de leurs intérêts de sécurité en mer Noire, l'établissement de bases dans les Dardanelles et des garnisons en territoire turc ainsi que l'accès à un port libre dans le golfe Persique. Bien évidemment, les Américains vont se faire un plaisir de publier immédiatement tous les documents sur la collusion soviéto-nazie en 1940 et leur projet de partage du Moyen-Orient. Oh. give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la crise turque et les débuts de la guerre froide. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me. Au début de janvier 1946, Truman a acquis la conviction que si la domination soviétique en Europe orientale est devenue un fait accompli, le dossier du Proche-Orient est resté ouvert. Un discours particulièrement militant de Staline le 9 février 1946 renforce les inquiétudes américaines. Je cite le discours de Staline. « Ce serait une erreur de croire que la Seconde Guerre mondiale soit due au hasard ou à des fautes commises par de tel ou tel homme d'État. On en a commis pourtant. En réalité, la guerre est née comme résultat inévitable d'un développement des forces économiques et politiques mondiales sur la base de l'actuel capitalisme de monopole. » Ça me rappelle ma jeunesse. Les marxistes ont plus d'une fois déclaré que le système capitaliste de l'économie mondiale porte en soi des éléments de crise générale et de collision de guerre, et que pour cette raison, le capitalisme mondial à notre époque ne se développe pas dans le sens d'une progression harmonieuse et égale, mais à travers des crises et des catastrophes de guerre. C'est que d'ordinaire, le développement inégal des pays capitalistes aboutit à la longue à compromettre brusquement l'équilibre à l'intérieur du système mondial du capitalisme. Ça, c'est le problème des marxistes depuis 1914. Comment se fait-il que les capitalistes se fassent la guerre alors que logiquement, ils ne devraient pas se la faire? Puisque comme les marxistes n'admettent pas le nationalisme comme facteur de l'histoire, il faut trouver une raison économique au conflit. Et les groupes de pays capitalistes qui s'estiment le moins pourvus en matières premières et en débouchés tentent ordinairement de modifier la situation et de repartager à son profit les sphères d'influence en employant la force armée. Il en résulte une division du monde capitaliste en deux camps ennemis et la guerre entre eux. On pourrait peut-être bien éviter les catastrophes de guerre s'il était possible de redistribuer périodiquement les matières premières et les débouchés entre les pays en fonction de leur importance économique respective au moyen de décisions concertées et pacifiques. Mais la chose est impossible dans les conditions capitalistes actuelles de développement de l'économie mondiale. Autrement dit, le camarade Staline n'a pas du tout compris ce qui s'était décidé à Bretton Woods, qui est le rétablissement du marché mondial pour justement permettre un libre accès de tous les pays aux productions de matières premières. La victoire justifie l'ampleur des sacrifices faits depuis la révolution de 1917, en particulier l'industrialisation et la collectivisation des terres. Les autres orateurs du meeting, parce que c'était les élections en Union soviétique, on s'interrogeait pour savoir si le parti allait les emporter. Il y avait que le parti qui se présentait. Les autres orateurs soulignent que si le Japon et l'Allemagne ont été éliminés, il n'en reste pas moins que l'encerclement capitaliste se poursuit. On en tire la conclusion qu'il s'agit de briser l'encerclement. Ça, c'était en réalité un discours tout à fait ordinaire de Staline, comme il en produisait presque au kilo. Mais dans le contexte, ça a été un signal d'alerte complet du côté de l'ambassade américaine à Moscou, qui va conduire George Kennan, qui dirige par intérim l'ambassade, à son fameux long télégramme du 22 février 1946. Dans ce texte, donc ce célèbre long télégramme, puisqu'il fait plusieurs milliers de signes, il reprend le contenu du discours de Staline sur la nécessité de briser l'encerclement en attisant les dissensions entre pays capitalistes. Ces dernières ne sont pas inévitables comme le montrent les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce qui explique cette vision névrotique du monde est le sens traditionnel de l'insécurité chez les Russes. Il affecte plus les dirigeants que le peuple, Ils ont toujours senti que leur pouvoir est relativement archaïque dans la forme, fragile et artificiel dans sa fondation psychologique, incapable de résister à la comparaison avec un pays occidental, d'où la nécessité de cacher la réalité à sa population comme aux étrangers. Et c'est en 1946 qu'on parle. Les Russes vivent de façon permanente dans une atmosphère de conspiration et de déni de la vérité. Pour eux, la vérité objective n'existe pas. Donc le long télégramme se poursuit en expliquant que l'orientation du régime vers une militarisation fondée sur l'industrialisation, tous les moyens seront bons pour affaiblir les puissances occidentales, en particulier dans le monde colonial. Il a la conviction qu'aucun modus vivendi durable ne pourra être obtenu avec les pays capitalistes. Mais contrairement à l'hitlérisme, il n'est pas aventuriste et ne prend pas de risques inutiles. Il comprend la logique de la force et fait retraite en cas de force résistance. Il faut être lucide sur la réalité du système soviétique. Le communisme se nourrit des faiblesses des sociétés occidentales, d'où la nécessité d'y remédier et de projeter vers l'extérieur une image beaucoup plus attrayante que celle que donnent les Russes. Donc ça, c'est le long telegram qui va circuler dans les milieux dirigeants américains, alors que c'était au départ un simple télégramme diplomatique. Et il va être complété un peu plus tard par un texte plus long encore de George Kennan, mais signé X, dans la revue Foreign Affairs, qui reprend les termes du long télégramme, mais qui ajoute qu'il n'est pas question de remettre en cause les faits accomplis de la Seconde Guerre mondiale, mais de contenir les tendances expansionnistes russes. La contrainte ainsi exercée forcera l'Union soviétique à la modération, voire la rupture du système. C'est pour ça qu'on considère que George Kennan est le grand architecte de la stratégie américaine de la guerre froide, parce que non seulement il a identifié les facteurs de l'expansion soviétique, mais surtout la méthode pour le bloquer. Il ne s'agit pas de reconquérir ou de conquérir ou de combattre militairement l'Union soviétique, il s'agit de la contenir pour la forcer à craquer un jour. Et c'est ce qui se passera dans le réel, plus long probablement que ne l'attendait George Kennan en 1946, mais il a eu historiquement raison en 1989-1991. Alors, en même temps que Kennan définit les deux règles de la guerre froide, le « containment » en français, endiguement, de la progression soviétique et de la compétition mondiale des deux types, les mêmes jours, le 9 mars 1946, c'est le fameux discours de Fulton, dit « discours du rideau de fer ». Donc, il faut voir que le long télégramme et le discours de Fulton, c'est à peu près les mêmes jours. Et c'est là où se fait la prise de décision. Jusque-là, les Américains ont évité de prendre des engagements militaires au Proche-Orient du fait de la longueur des lignes d'approvisionnement. Mais il est tout à fait possible d'avoir recours à la diplomatie de la canonnière du XIXe siècle. Après tout, depuis le début de ce siècle, il y a toujours eu un détachement naval américain en Méditerranée. On profite d'une occasion protocolaire pour envoyer le cuirassé Missouri, celui sur lequel la capitulation japonaise a été reçue, à Istanbul, où il reçoit un grand accueil populaire, puis au Pirée, le début avril 1946. Vous savez, c'était ces charmants canons dont Reagan disait pour les derniers cuirassés de cette classe qu'il tirait des projectiles de la taille d'une coccinelle Volkswagen. Alors, ce qui est important, c'est qu'à partir de là, donc d'avril 1946, la présence navale américaine en Méditerranée devient permanente, d'abord sous le nom de Six Tax Fleet, c'est-à-dire une combinaison de forces en fonction d'une mission déterminée, c'est la Tax Force de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1950, elle prend son nom actuel de Sixième Flotte américaine. C'est donc en avril 1946, en réponse à la crise turque, que la relève de la flotte britannique par la flotte américaine se fait en Méditerranée, et jusqu'à aujourd'hui, la 6e flotte couvre tout le flanc sud de l'Europe des menaces qui peuvent venir de l'ensemble de ces régions. Il y aura un côté désert de Tartare dans la 6e flotte, puisqu'elle ne se sera vraiment battue dans toute son existence qu'une fois contre la Libye, sous Reagan, et en 82-83 au Liban. En dehors de ça, elle ne s'est jamais battue, mais elle est là en permanence, et elle est toujours là. Sans aucune planification antérieure, donc, les Américains remplacent les Britanniques en Méditerranée. La politique de fermeté a certainement joué dans son dénouement, mais on doit tenir compte du fait que l'Union soviétique a besoin de négocier avec les Occidentaux pour la conclusion des traités de paix pour la Bulgarie, la Roumanie, la Finlande, la Hongrie et l'Italie, ainsi que la définition de l'avenir de l'Allemagne. La priorité pour Moscou réside dans la consolidation de ses positions en Europe orientale et balkanique. En même temps, et symétriquement au long télégramme de Kennan, les responsables soviétiques, dans leurs documents internes, définissent la politique américaine comme la tendance du capital monopoliste américain à rechercher la domination mondiale. Alors, pour désir de parité, en quelque sorte, je vous donne ce qu'on appelle le télégramme Novikov, du nom de l'ambassadeur soviétique aux États-Unis, adressé de Washington à Molotov le 27 septembre 1946. Donc son contenu explique que la dévastation économique de l'Europe coïncide à une crise de surproduction aux États-Unis, d'où la volonté du capital américain de s'emparer de l'économie européenne. Seule l'Union soviétique et ses alliés constituent l'obstacle à ce projet impérialiste. Pour les réactionnaires de Washington, la solution est militaire par la constitution d'un réseau mondial de base à des milliers de kilomètres de l'Amérique du Nord. Dans ce cadre, les États-Unis se sont entendus avec la Grande-Bretagne pour un partage partiel du monde, mais il n'est pas valable pour le Proche-Orient où les États-Unis veulent se substituer à la présence britannique, ne serait-ce du fait des ressources en pétrole de cette région. La démonstration en est faite par la présence navale permanente américaine en Méditerranée, qui constitue une menace permanente pour l'Union soviétique. Ainsi, les milieux bellicistes américains préparent une guerre contre l'Union soviétique. Ce document n'a pas l'originalité du document de Kennan, mais exprime bien la vision commune des dirigeants soviétiques et l'importance du marxisme dans leur interprétation du monde. C'est d'ailleurs à la fin de 1946 que la presse américaine commence à utiliser l'expression « guerre froide ». D'où le débouché, évidemment, qui est la doctrine Truman et le plan Marshall. En août 1946, les Soviétiques adressent une note à la Turquie exigeant une révision de la Convention de Montreux, proposant une défense commune des détroits de la part de l'ensemble des puissances de la mer Noire qui, à l'exception de la Turquie, appartiennent toutes au système soviétique. Implicitement, ils demandent des bases militaires. Une démarche conjointe anglo-américaine propose une conférence internationale pour traiter de la révision et la décision anglo-américaine est de livrer des armements modernes à la Turquie. Mais rapidement, il devient clair que les Britanniques n'ont pas les ressources nécessaires pour cette entreprise, puisque l'économie britannique est en état de quasi-banqueroute. Les conseillers du président considèrent que l'on doit maintenir une attitude de fermeté pouvant aller jusqu'à accepter l'éventualité d'un conflit armé, mais que la stratégie à suivre est à donner la priorité à l'aide économique, meilleur moyen de bloquer la progression communiste. Il faut faire comprendre aux Russes que les États-Unis sont trop puissants pour être battus, et trop déterminé pour être effrayé. En octobre 1946, les Russes font machine arrière, répondant aux Anglo-Américains qu'il faudrait revenir à la formule de Potsdam sur une réunion des ministres des Affaires étrangères, alors que les Turcs rejettent tout ce qui pourrait prendre la forme d'une négociation bilatérale. Néanmoins, la guerre des nerfs entretenue par les Soviétiques se poursuit et la Turquie doit maintenir une mobilisation coûteuse de ses forces armées. Le 1er octobre, la présence navale américaine est consacrée officiellement avec pour mission de soutenir les forces alliées en Europe, de protéger les intérêts et la politique des États-Unis et de s'assurer la bonne volonté des États concernés. La logique suivie est celle de la dissuasion, non de la provocation. Les intérêts ainsi définis comprennent la protection des petits pays et de leur intégrité territoriale avec pour conséquence l'établissement d'une barrière allant de la Grèce à l'Iran. Cette ligne d'arrêt protège les ressources pétrolières de la région. L'Iran est toujours le premier producteur de la région et l'AIOC, l'anglo-iranienne, véritable état dans l'état, est le fleuron de ce qui reste de l'empire britannique et fournit le pétrole et les devises indispensables pour faire fonctionner l'économie britannique. Ce qui compte pour les stratèges américains est la conviction de la nécessité de ménager les ressources pétrolières de l'hémisphère occidental, c'est-à-dire le continent américain dans sa globalité, et de cesser d'exporter du pétrole venu des deux Amériques. Dès lors, le pétrole du Moyen-Orient doit se substituer au pétrole américain sur le marché mondial, tout en étant commercialisé au moins pour l'Arabie Saoudite en dollars. Une fois les investissements faits, les coûts de production seront particulièrement faibles, ce qui permettra d'assurer le relèvement économique de l'Europe. Il ne s'agit pas de ravitailler les États-Unis en pétrole moyen-oriental, mais en revanche de donner aux majors américaines la place la plus importante possible dans la production et la distribution de ce pétrole. En cette après-guerre, la présence américaine dans le monde arabe se trouve essentiellement en Arabie Saoudite, avec la prise de conscience du gigantisme des réserves prouvées. Pour assurer les investissements nécessaires et éviter de donner une position prépondérante aux compagnies déjà membres d'Aramco, il est nécessaire d'ouvrir son capital aux autres majors américaines qui, étant membres de l'Iraq Petroleum, sont interdits de le faire par l'accord dit de la ligne rouge. Il est décidé de passer outre. La compagnie française des pétroles sortie exsangue de la guerre et Gulbenkian réplique par un procès aux compagnies. Après un certain nombre de péripéties, un accord sera trouvé en novembre 48, accordant en compensation à la CFP un accroissement de ses livraisons en pétrole irakien, ce qui permettra la relance du groupe français, d'autant plus que la CFP va aussi commercialiser le pétrole de Gulbenkian. C'est donc comme ça que le groupe Total va redémarrer ses activités dans l'après-guerre. Dans ces conditions, tout ce qui est économique est stratégique, puisque pour l'administration Truman, l'arme économique doit être utilisée avant tout autre. L'idéal serait d'éviter d'avoir trop d'engagements militaires grâce à l'arrêt de la progression communiste par l'aide économique. Si la maturation de cette politique se déroule tout au long de 1946, elle trouve son expression dans la personnalité du général George Marshall, qui devient secrétaire d'État le 21 janvier 1947. Alors, je rappelle que George Marshall, c'est l'organisateur de la victoire américaine de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était le chef d'état-major général des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était lui le coordinateur de toutes les actions militaires américaines. C'est donc, pour reprendre l'expression qu'on donne à Carnot pour la Révolution française, c'est l'organisateur de la victoire. Donc, son prestige est absolument immense aux États-Unis. Pendant ce temps, les Britanniques supportent de plus en plus difficilement les coûts de leur présence militaire en Grèce et de leur aide au gouvernement royaliste. Et les travaillistes sont mal à l'aise d'avoir à soutenir des forces aussi réactionnaires. Aussi, le 21 février 1947, le gouvernement britannique annonce qu'il veut arrêter son aide économique à la Grèce et à la Turquie pour la fin mars 1947, prenant par surprise les décideurs américains. Pour Londres, il ne s'agit pas d'abandonner toute vocation impériale, mais d'un redéploiement sur l'Orient arabe, mais Washington l'interprète comme un signe supplémentaire du déclin britannique, puisque dans cette même semaine, nous aurons l'occasion d'y revenir, de 1947, la Grande-Bretagne annonce son retrait de la Birmanie, de l'Inde et de la Palestine. Dans ce contexte, les informations montrent que la Grèce se trouve en situation critique face à la guérilla communiste. Le département d'État était déjà engagé dans une démarche d'accroissement de l'aide. L'unanimité se fait immédiatement sur la nécessité de substituer à l'alliée défaillante. Il faut l'accord du Congrès où les Républicains viennent juste de remporter la majorité. On lui explique que si la Grèce tombe, la contagion communiste infectera tout aussi bien la France que l'Italie que l'Asie mineure et l'Europe. C'est la fameuse théorie des dominos qui va être un des traits majeurs de la guerre froide dans les deux sens. Hein. Les alliés, les occidentaux, vont se lancer dans la guerre froide pour empêcher que les dominos occidentaux tombent. Et la curiosité de l'histoire, c'est que la fin de la guerre froide, ce sera la chute des dominos soviétiques, à partir de la chute du mur de Berlin. Grâce aux dons de persuasion des représentants de l'administration Truman, les Républicains acceptent une politique bipartisane d'opposition à la progression soviétique. Même si le contexte géographique est marqué, le discours de Truman, le 12 août 1947, s'en tient à une énonciation de principes généraux. Je cite. Les peuples d'un certain nombre de pays du monde se sont vus imposer récemment des régimes totalitaires contre leur propre volonté. Le gouvernement des États-Unis a élevé de fréquentes protestations contre la coercition et les procédés d'intimidation employés en violation des accords de Yalta, en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie. Je suis obligé de déclarer que de semblables tentatives ont eu lieu dans un certain nombre d'autres pays. Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie, et trop souvent ce choix n'est pas un libre choix. L'un de ces modes de vie est basé sur la volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties pour la liberté individuelle, la liberté d'expression et de religion, et pour être libre de toute oppression politique. Le second mode de vie est basé sur la volonté d'une minorité imposée à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté individuelle. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre qui résiste actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Je crois que nous devons aider les peuples libres à accomplir leur propre destinée selon leur mode de vie propre. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière indispensable à la stabilité économique et au fonctionnement régulier des institutions politiques. Le discours de Truman obtient une très large approbation parlementaire et entrera dans l'histoire sous le nom de doctrine Truman. Ainsi, ce qui est au départ un très curieux rejet de la question d'Orient devient un affrontement de deux modes de vie et de deux modes de production qui, à partir du Proche-Orient, va s'étendre à l'ensemble du monde. Sans être en soi une guerre mondiale, la guerre froide sera un affrontement mondialisé. Vous voyez, on est parti sur des problèmes de zone d'influence, de détroit, et en 47, on est sur des oppositions de mode de vie, qu'on dirait aujourd'hui, mais le terme n'est pas utilisé en 47, de valeur. Ainsi, l'Union soviétique abandonne progressivement le discours de l'antifascisme, qui servait de justification à la Grande Alliance avec les démocraties libérales, pour le subordonner à celui de l'anti-impérialisme, qui consiste à encourager les mouvements de libération dans les colonies européennes, reprenant ainsi la stratégie des années 1920, mais maintenant avec des moyens accrus. Néanmoins, la priorité est toujours donnée à l'Europe, avec la volonté d'obtenir des Occidentaux la reconnaissance des faits accomplis de la Baltique à la mer Noire. Le mécanisme d'interaction continue tout au long de 1947. Les États-Unis s'inquiètent de la fragilité européenne et ne veulent pas se lancer dans une politique de réarmement illimité. Pour éviter un tel engagement militaire, les stratèges américains donnent la priorité à la reconstruction économique de l'Europe. La Central Intelligence Agency, la CIA, qui vient d'être créée, estime que le danger le plus pressant est l'effondrement économique de l'Europe qui conduirait à l'arrivée au pouvoir des communistes. Les 13 milliards de dollars fournis aux Européens de 1945 à 1947 n'ont permis que de secourir et non de relancer les économies des pays concernés. Au-delà, il y a le dollar gap. La faiblesse des exportations européennes ne permet pas aux Européens de financer leurs achats de produits américains, en particulier les biens intermédiaires indispensables pour établir l'infrastructure de production. Aussi, les planificateurs américains, en particulier Kennan qui a quitté Moscou pour revenir à Washington, travaillent à un plan global en même temps qu'ils élaborent la doctrine Truman. Rapidement, l'idée se dégage d'un plan prenant l'Europe de l'Ouest dans son ensemble, avec pour objectif de supprimer les divers goulots d'étranglement qui entravent le redémarrage de l'économie. Pour éviter une confrontation, l'offre sera proposée aux pays sous domination soviétique afin de conduire Moscou à le refuser. Si le président des États-Unis a bien évidemment approuvé le plan, ce sont les stratèges du département d'État qui l'ont conçu. Marshall, en tant que secrétaire d'État, a choisi d'annoncer le projet dans leur discours prévu le 5 juin 1947 à l'université d'Harvard. Il passe d'abord presque inaperçu. Ce n'est que progressivement que l'ampleur du projet se dévoile. Au grand soulagement des responsables américains, leur offre est rejetée par les soviétiques. Durant l'été 1947, les 16 pays qui ont accepté la proposition américaine arrivent à s'entendre dans la conférence de Paris, en dépit de l'hostilité française à un relèvement économique de l'Allemagne. Le 16 septembre 1947, ils arrivent à un texte commun qui permet ensuite à l'administration Truman de vaincre les nombreuses réticences intérieures. Finalement, l'European Recovery Act, entré dans l'histoire sous le nom de plan Marshall, est signé le 3 avril 1948. En bon politique, Truman a préféré que l'on donne le nom de George Marshall, personnalité respectée de tous et homme de consensus, plutôt que le sien, qui aurait provoqué l'animosité d'une partie des républicains. Ses conséquences sont multiples du fait qu'il est tout aussi bien une aide matérielle, bien de production, une aide financière et l'importation de nouvelles pratiques de gestion définies par l'idée de rentabilité. Il n'est pas une simple injection d'argent, donc je vous en supplie, cessez de réclamer des plans Marshall pour ceci ou pour cela, mais bien tout un programme cohérent, intelligemment pensé. Il habitue les Européens à penser en termes d'espace économique uni, et trouve son prolongement dans le lancement d'une politique d'abaissement des barrières douanières entre les principales puissances industrielles. Le GATT, ou General Agreement on Tariffs and Trade, accord général sur les tarifs douaniers et commerce, est lancé le 30 octobre 1947 et aussi une dimension parallèle du plan Marshall. L'Organisation européenne de coopération économique créée par la conférence deviendra en 1960 l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE. Ainsi, les planificateurs américains, dans le but tout aussi bien d'éviter que les Européens provoquent une troisième guerre mondiale que d'endiguer la progression soviétique, ont constitué les accords de coopération monétaire dits de Bretton Woods, les mécanismes de l'Union européenne et la réduction des tarifs douaniers, c'est-à-dire l'ouverture vers la mondialisation. Et tout ça a été fait en 2 ans. Le National Security Act de 1947 met fin à l'indépendance des différentes armes de l'armée américaine pour les réunir dans ce qui deviendra en 1949 le Department of Defense, le DOD. En même temps, la Central International Agency est créée pour centraliser les renseignements extérieurs et mener des actions clandestines. Enfin, le Conseil de sécurité nationale établi à la Maison-Blanche pour conseiller le président. Il est censé réunir l'ensemble des acteurs de la politique internationale, mais il aura tendance à devenir à son tour une institution indépendante. Ainsi, la présidence de Truman voit l'émergence d'un État défini par la sécurité nationale, c'est-à-dire par l'action extérieure, puisqu'à l'intérieur on parle de fédéral, plus que d'autres présidences. Celle de Truman peut être définie comme la première présidence impériale. Si l'on reprend le terme de Raymond Aron dans ces lieux, c'est à Truman que l'on doit la République impériale. Alors ce sera complété dans la suite du cours, mais l'année prochaine, par la naissance de l'OTAN, qui sera le dernier morceau de l'action de Truman. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre les engrenages historiques. C'est à cause du rejet de la question d'Orient que toute la présidence impériale se constitue. Et en fait, les stratèges américains ont été absolument extraordinaires. Des gens comme Kennan étaient des gens d'une capacité, d'une vision politique absolument exceptionnelle. Et ils ont tout fait. Bretton Woods, le système monétaire, le plan Marshall, ça implique l'Union européenne. Et le GATT, c'est-à-dire la mondialisation. Et ceci était compris pour empêcher une troisième guerre mondiale, parce que les gens avaient considéré que la seconde guerre mondiale était due, entre autres, à l'impossibilité d'accéder aux ressources en matières premières à cause de l'effondrement des changes dans les années 1930. Et donc toutes ces stratégies à long terme, parce que ce qui est pris comme décision entre 45 et 48, ça va jusqu'à la présidence de Trump exclue, qui est en train de démanteler ce que Truman et ses successeurs avaient constitué. Et tout ça, c'est dû à un personnage politique qui était un petit politicien provincial qui n'avait connu de l'extérieur que la France parce qu'il avait été soldat durant la Première Guerre mondiale, mais qui a su saisir, non sans hésitation, les défis de son temps. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 19 décembre 2018 l'historien Henri Laurence, les crises d'Orient, l'hégémonie britannique, 1926-1956, aujourd'hui la crise turque et les débuts de la guerre froide. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux, 1768-1914 chez Fayard en 2017 ». Et prochainement, le tome 2 de ces crises d'Orient va paraître sous le titre « La naissance du Moyen-Orient, 1914-1949 ». Iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laurélane Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient en compagnie d'Henri Laurence et nous ouvrirons la question de l'affaiblissement du système britannique au Moyen-Orient. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.